Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une brochette de superbes actrices. Une réalisatrice veut faire un documentaire sur les actrices, toutes les actrices. Les populaires, les inconnues, les intellos, les comiques, les oubliés, filmant tout, avec ou sans leur accord, la réalisatrice va se prendre au jeu et se laisser dévorer par ces femmes aussi fragiles que manipulatrices. Bonjour Maïwenn, je m'appelle Julie. Non, faut pas que tu dises Maïwenn. Bonjour, je m'appelle Julie. Ah bon, d'accord. Bonjour, je m'appelle Julie. Et vous êtes seule ou... Et une équipe non. Avec vous non. C'est ça mon équipe. D'accord. En fait, j'ai assez envie d'aller tourner aux États-Unis. La France, c'est pas prétentieux ou arrogant. Hein. Quelque chose qui est un peu petit pour me contenir ouais, maintenant. C'est qui, Karine Bia? Bah c'est qui, Diams? Quelqu'un qui vend des disques. Ça veut dire quoi? La musique est plus importante que le cinéma? Bah le jour où tu ramèneras plus de pépettes que moi à la maison, oui, peut-être, alors je serai acteur. Et vous étiez fière quand elle a eu le César? Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que j'avais une très belle robe. Je vais à des essais, on me dit « Ah, t'es trop connue, on cherche une inconnue ». Je vais à d'autres essais, on me dit « Je suis désolée, oh, t'es pas assez connue pour faire le truc ». Le bal des actrices, avec Romane Boringer, Julie Depardieu, Mélanie Doutet, un DVD M6 Vidéo.